à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Une émission que je vais co-animer avec une professionnelle du développement personnel, Dorothée Lacroix, sophrologue. Bonjour Dorothée. Bonjour Jérôme. Alors Dorothée, donc c'est une nouvelle émission de l'instant présent pour ce premier numéro de janvier. Donc je te souhaite effectivement mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci à toi aussi Jérôme et puis à nos chers auditeurs et auditrices. Vraiment une bonne année, on vous souhaite le meilleur. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, mis à part de cueillir chaque instant de ces 31 536 000 secondes. Tout à fait Dorothée. Alors justement pour cette nouvelle émission donc, du mois de janvier, on a décidé de faire une émission un petit peu spécifique puisqu'on a l'objectif de vous faire découvrir des chansons coup de cœur, des chansons qui nous ont fait du bien, soit lors de moments donc, difficiles ou au contraire donc, des moments très agréables de notre vie. Est-ce que tu es d'accord Dorothée? Bien sûr. Alors donc on va commencer par une chanson donc de circonstances puisqu'on parle donc de l'instant présent et justement il y a une très belle chanson de Grand Corps Malade qui vient de sortir un nouvel album, c'est aujourd'hui que ça se passe, ça parle justement de l'importance de l'instant présent. Au quotidien, je me prétends plutôt tranquille et patient. Je crie pas, je marche doucement, je suis docile et patient. On peut très facilement m'accuser de nonchalance. Pourtant, sur certains points, j'ai bien senti l'urgence. L'urgence de choisir mes envies, l'envie de choisir mes urgences. Choisir mes combats, mes refus, mes évidences. Choisir pour mieux agir et ne plus procrastiner. Pour vivre l'instant, j'ai fait des progrès stylés. Demain, c'est loin et c'est pas moi qui l'ai dit. Le présent est précieux, l'inertie l'en est dit. Si l'espoir se permet, quand l'élan se transmet, honnêtement, faut y aller, c'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Est-ce que c'est pas plus subversif d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de se craindre, d'accepter de se joindre? Puisque la vie est un jeu plutôt interactif, essayons tous ensemble d'en faire un terrain de kiff. C'est dès aujourd'hui qu'on peut changer les choses, qu'on peut scander nos causes, qu'on ose et qu'on propose. Il y a quelques sujets qui ne peuvent plus attendre, on a tous un rôle à jouer et quelques comptes à rendre. Le climat, le partage, solidaire, être heureux. Soyons à la hauteur, ce n'est pas surhumain de remettre à aujourd'hui ce qu'on pensait faire demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Pour que nos actes se reflètent dans un futur apaisant, avec ma DeLorean, c'est retour vers le présent. Y a pas beaucoup de temps, mais y a encore de l'espace pour deux, trois trucs importants. C'est aujourd'hui que ça se passe. Voilà, c'était Grand Corps Malade, c'est aujourd'hui que ça se passe. Une chanson de circonstance pour notre émission, donc l'instant présent. Il faut en effet vivre l'instant présent. Alors pour ce premier donc, numéro donc, de l'année 2024, on a décidé de vous faire écouter des chansons coup de cœur. Et donc Dorothée, je crois que tu as une première chanson à nous faire écouter. Oui, alors c'est London Grammar, If You Wait. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Bah parce que j'aime beaucoup London Grammar, j'aime beaucoup sa voix et je trouve que elle appelle à certaines vibrations, voilà, par rapport à tout ce qui est musical autour de sa voix. Et donc, bah, je vous propose de la découvrir et d'écouter pour voir effectivement, eh bien, ce que ça peut procurer en vous ce morceau. Très bien, ben, n'hésitez pas donc à donner justement votre avis donc sur la page Facebook de Radio Fadjet après avoir écouté donc ce premier coup de cœur London Grammar, If You Wait. Voilà, c'était donc London Grammar, If You Wait, une magnifique voix, Dorothée, donc un choix que je partage tout à fait. Alors Dorothée, je crois que tu vas nous évoquer maintenant donc une chanson d'une auditrice. chanson coup de cœur. Oui, tout à fait. Nous avons reçu le coup de cœur de Fanny qui nous a fait partager donc, cette chanson donc, de Barbara Pravi et qui s'appelle « Prière à la lumière ». Alors, bah, je vous propose de découvrir. Tout à fait. Donc, Fanny nous a bien expliqué cette chanson. On peut l'écouter aussi bien dans les moments difficiles que dans les moments plus agréables de la vie. Alors, on l'écoute tout de suite, le coup de cœur donc, de Fanny, « Prière à la lumière ». Traverser mon corps, lumière, lumière du monde. Viens traverser mes ombres, mon sourire et ma voix. Que l'abondance d'éclat, lumière, lumière du temps, circule dans mes veines. Voilà, c'était le coup de cœur de Fanny, donc prière donc à la lumière. On va passer maintenant à un autre coup de cœur, ben, c'est le mien, c'est Josh Graban, You Raise Me Up. C'est une chanson qui m'évoque de beaux souvenirs, puisque lors de mon mariage, j'ai fait donc l'ouverture du bal sur cette chanson. Alors nostalgie, on va réécouter donc cette très, très belle chanson, You Raise Me Up, tu me portes, hein, ça veut dire, donc de Josh Graban. my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, vous écoutez l'instant présent et vous venez d'écouter une magnifique chanson « You Raise Me Up » de Josh Groban. Alors on écoute ce mois-ci bien les chansons coup de cœur qui nous ont fait du bien lors de moments difficiles ou de moments très agréables. Et donc Dorothée, donc, je crois que tu as un deuxième coup de cœur à nous faire évoquer. Oui, alors deuxième coup de cœur, donc c'est Youm Nostalgia. Donc Youm, en fait, c'est un clarinettiste, c'est un virtuose. Et ce que j'aime beaucoup dans cette chanson, enfin dans cette musique, c'est tout d'abord, il y a la respiration qui s'exprime de par l'instrument avant. Et puis, elle est très aussi introspective et elle invite forcément à la méditation et à l'instant présent. Très bien, ben, je vais écouter parce que je ne connais pas cette belle musique. Thank you.

Voilà, c'était avec Vianney. Donc, n'attendons pas que l'émission, donc l'instant présent, se termine. Alors, si vous avez pris l'émission en cours, eh bien, vous pouvez nous retrouver donc tout au long de ce mois en replay sur le site donc de Radio Fadjet. On a écouté donc nos chansons coup de cœur, donc qui nous ont fait du bien à un moment donné de notre vie. Alors, n'hésitez pas à faire vos remarques sur la page donc Facebook de Fadjet et de nous faire part de vos chansons coup de cœur, mais aussi des thèmes que vous souhaitez aborder ces prochains mois. Eh bien, Dorothée, on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir, Jérôme. Pour une nouvelle émission de l'instant présent. Et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.